oyo oneko na memeli yo sango malamu liloba na zambe ekobikisaka mpe kopambolaka ma bien aimé je t'apporte la bonne nouvelle la parole de Dieu la réponse pour le salut oyo oneko na memeli yo sango malamu liloba na zambe ekobikisaka mpe kopambolaka ma bien aimé je t'apporte la bonne nouvelle la parole de Dieu la réponse pour le salut na yaki otala yo mokolo rante mwa mposo mpo tokende osambela natuni balobi yo robimaki okendeki kotumela mpo tosalaki masumu tika kolikosama ndeko asi alonga depuis la predestination boni malili akozipa yo miso solor ezali nde mosusu e la vérité est dans la bible jésus christ a vaincu sur la croix oka oka sango malamu ekotikala se moko mibale te o tanga bibilia ayaki lokola mwana mpate na mokili lagneau de Dieu il a donné sa vie pour toi et moi moto akosa yo te C'est l'état du pigre souverain, c'est lui seul qui a traversé les cieux, Jésus-Christ. Asopa qui makila, ponangana yo, ponanini li bosona moto. Poso nyoso okendeke kotubela fungola motema Yesu akota akila maye mapendo na yo wanozi imakse misika esango kati mpe na libanda yoka mongongo ya modelu makatuna nanyakoki kofungola nanyakoki baba ye na likolo na mabele na sena mabele oko moto azali te kuna na likolo awa na mokili na sena mabele o moto azali te bobele lagno lagno de Dieu avec qui alonga celui-là bobele ye ouvre ouvrir les livres de vie bobele lagno lagno de Dieu avec qui alonga celui-là bobele